Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'émission qui se consacre à l'art sonore, à l'expérimentation musicale et aux musiques merveilleuses parce qu'inclassables. Je vous présente ce soir une plateforme de diffusion sur bande, cassette. Et oui, la bande magnétique a la vie dure, les cassettes aussi, et les adeptes sont encore nombreux. Il s'agit d'une étiquette qui origine de Marseille, Made in France, intitulée Fault, F-A-L-T, créée en 2016 par l'artiste sonore Christian Schiffner, un label qui compte à ce jour une centaines de projets originaux d'artistes sonores de toute provenance, dont certains du Québec, Anne-Françoise Jacques notamment. Christian Schiffner s'implique totalement dans ce label puisqu'il assure la direction artistique, il sélectionne les projets et mène toute la suite de ce qui a trait à la conception graphique, les photographies, l'impression et l'emballage, qui n'est pas des moindres, l'emballage des productions. On va donc ce soir naviguer parmi quelques-uns des albums cassettes diffusés par le label Fault, et je débute ça avec un titre tiré de l'album intitulé Collagène. C'est l'album inaugural de cette collection créée par Christian et signé de son nom d'artiste, son avatar, Chemi Fazerwerk. On raconte que l'album Collagène est une bande mystérieuse, une bande son mystérieuse dont les sons sont impossibles à identifier, à la fois proches de chez soi, mais aussi fort lointain. Thank you. dans une entrevue au magazine AMEC Collectif, Christian Schiffner raconte qu'il prend un grand soin à la confection des emballages et couvertures de ses cassettes, un bricolage qui donne à l'étiquette sa personnalité. Le nom de son label, Falt, comme je le rappelais en début d'émission, est d'ailleurs inspiré d'un mot allemand, Falten, qui signifie plier. J'aime le mot Falt, dit-il, parce qu'il est court et pratique. J'aime aussi le son du mot et même son apparence toute simple. Le label compte à ce jour de nombreux artistes sonores, dont le français Bruno Duplan, qui est un compositeur et multi-instrumentiste. Il a collaboré avec de nombreux créateurs réputés réaliser des œuvres en solo. Ses enregistrements ont été d'ailleurs publiés sur de nombreuses plateformes, dont le label Falt, évidemment. Pour Duplan, composer, jouer de la musique revient à imaginer, créer, parfois décomposer de nouveaux espaces et de mener aussi des réflexions sur la mémoire des choses, des espaces et des moments de la vie quotidienne, raconte-t-il. Sa musique, fortement inspirée de l'écriture de Francis Ponge, Gaston Bachelard, Antoine Volodine, entre autres, est empreinte d'une douce mélancolie. Alors, je vous propose qu'on écoute un extrait d'un bel album intitulé « La nuit inquiète ». Je vous propose la partie numéro 1. On vient d'entendre une très belle pièce de Bruno Duplan intitulée « Nuit inquiète, évocation de sonorité nocturne ». Je vous propose maintenant l'écoute d'une œuvre sonore de l'artiste Jared Sagar. C'est un compositeur britannique de musique expérimentale qui explore l'univers des microsons, des microtonalités. Sa méthode de travail consiste, dit-il, à prélever des échantillons sonores, faire du sampling et à faire des enregistrements sur le terrain pour les manipuler et en faire quelque chose de nouveau, d'abstrait. La plupart des œuvres de Sagar sont minimalistes, les sons évoluant graduellement vers de fortes intensités. Alors, je vous propose qu'on écoute une pièce intitulée Really 33, c'est tiré de l'album Closer, paru en 2020, encore une fois sur le label Fort. Thank you. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission autour des sonorités de Jared Sagar, des sonorités minimalistes tirées de l'album Closer qui est présenté sur le label Fault. Alors je reviens après un bref battement promo. Restez des nôtres. CKRL.qc.ca. Saviez-vous que toutes les émissions de CKRL sont disponibles en écoute à l'adresse ckrl.qc.ca? Venez jeter un coup d'oreille. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, c'est la Croche-Oreille qui se poursuit sur les ondes de CKRL 89.1 sur les ondes et sur ckrl.qc.ca sur la toile. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les pièces et titres des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute immédiate ou quand ça vous tente, vous trouverez ça facilement sur la toile. Alors, on poursuit jusqu'à 22h ce bref survol de l'étiquette Fault, une étiquette d'origine marseillaise lancée en 2016 par l'artiste Christian Schiffner, un projet qui visait au départ à diffuser son propre travail et à faire connaître des créateurs sonores, musiciens, improvisateurs et bricoleurs sonores de tous les pays du monde. C'était son objectif. L'étiquette compte une centaine de titres, ce qui est pas mal, qui sont fixés sur cassette essentiellement et qui oscillent entre l'expérimentation sonore minimaliste, comme on a pu l'entendre avec Duplan et Sagar en première partie, et le noise ou encore la musique concrète. Dans une interview qu'il accorde au magazine Amec Collective, Christian Schiffner raconte qu'il souhaite favoriser l'accessibilité à ses projets de création. J'ouvre les guillemets, il dit « Le plus important, c'est le partage de la musique et le devoir de diffuser l'art en éliminant autant que possible les barrières. Et cela, pour moi, c'est de proposer un prix de téléchargement à partir de $0. Tiré de la collection Fault, on va maintenant écouter un travail sonore très nuancé, un projet intitulé « It is just so much more difficult ». C'est de l'artiste sonore et improvisatrice Claire Rousset. Claire Rousset est une percussionniste d'origine française qui vit aux États-Unis. Ses performances et ses enregistrements explorent l'homosexualité, les relations humaines et les diverses perceptions qu'on peut avoir de soi-même. Claire Rousset a présenté son travail à la Casa del Popolo ici à Montréal il y a quelques années et un peu partout dans le monde, il va sans dire. Alors, tiré de cet album paru sur le label Fault, je vous propose qu'on écoute une de la pièce « It is just ». Thank you. sonorité minimaliste de Claire Rousset, une pièce intitulée « C'est tout juste ». It is just, je traduis assez librement. Vous le savez, avec la croissance des technos de l'information, un nombre incalculable de données personnelles sont stockées sur le web et partagées entre les personnes sur différents médias sociaux. C'est à partir de cette banque de données que les artistes Philippe Vandal et Johanna Gould ont imaginé ce projet sonore intitulé Interpersonnel Data, qui cherche à rendre visible et audible, surtout, ces données accumulées sur Internet. Alors, Johanna Gould, elle est une artiste passionnée par l'art qui peut transformer les gens, le lieu et le discours. Elle travaille dans les communautés créatives de New York et d'Australie depuis une douzaine d'années. Philippe Vandal, quant à lui, s'intéresse aux interconnexions sur les plans social, culturel et médiatique. Il a exposé à la Galerie des arts visuels de l'Université Concordia à Montréal, Armure et chez Eastern Bloc à Montréal. Également. Alors, je vous propose qu'on écoute un extrait du projet Interpersonal Data. C'est tiré de la piste numéro 2. On va écouter un extrait. Thank you. Alors, pour compléter l'émission autour du label de création sonore sur cassette, sur bande magnétique Fault, je vous propose l'écoute d'une création réalisée par la Québécoise Anne F. Jacques et collaboration avec l'artiste Ryoko Akama, un projet intitulé Without. Il s'agit d'un album de sonorités brutes constitué de frottements, de craquements et de manipulations improvisées sur divers matériaux. Là aussi, là encore, on est dans une perspective très minimaliste. Anne F. Jacques est une artiste sonore et aussi une mécanicienne de bicyclette, dit-elle, qui s'intéresse à l'amplification de petits objets, à l'électricité, au grattement, au collage sonore impromptu, improvisé. On écoute la pièce Without, c'est la plage 1 qui a été créée par Anne F. Jacques. Alors on écoute ça. Thank you. Alors voilà, ce qui complète l'émission pour ce soir. Vous trouverez la liste des pièces entendues sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute. C'est à votre guise. Grand merci à Christian Schiffner du label Fall de nous avoir permis la diffusion des œuvres qui sont à son catalogue. Vous trouverez ça, l'entièreté des pièces sur la plateforme Bandcamp. Alors je vous invite à être des nôtres dimanche prochain. Dès 21h pour une autre aventure sonore sur les ondes de CKRL. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Restez des nôtres. Mathieu Johnson s'amène avec son rock médium.